Chapitre 5e. De qui donc tenez-vous ces nouvelles-là, Miss Pekin? De première main, je vous en réponds, Madame Crankett. Je les tiens de mon cousin Ben Javage, qui est de retour après avoir passé 6 mois aux mines. Il n'en a rapporté que des rhumatismes, mais au moins il a eu la chance de tout apprendre. Il paraît que les agents ont fini par mettre la main sur Brown, et puis Jim Hoxton a eu la bêtise de leur donner 30 000 $ pour le relâcher. Il aurait mieux fait de garder son argent, puisque Brown a été noyé en revenant. « Je désapprouve les paris, en thèse générale, » dit le marguillier qui assistait à l'entretien. « Mais je parierais votre vache blanche contre un lapin que ces 30 000 $ ont dû produire un meilleur effet que tous les sermons que l'on a jamais prêchés en Californie, ou même à Crankett. » La pieuse Miss Pekin lança un regard écrasant au marguillier. Évidemment, elle le considérait comme un hérétique qui méritait d'être brûlé vif sur un bûcher allumé en pleine place publique. Toutefois, elle tenait trop à s'acquitter de son rôle de nouvelliste pour se lancer dans une controverse religieuse, et elle continua son récit. Eben a rencontré à Spanish Take un nommé Belette, qui se trouvait là au moment où les agents ont conclu le marché, et lorsqu'il est allé prévenir les mineurs réunis au cabaret, les chenapans sont sortis pour porter Jim en triomphe. Prions pour ces faux qui ne savent pas que l'on ne doit pas gaspiller ainsi son argent. Si le monde se mettait à gaspiller son argent de cette façon, le monde n'en irait que mieux, riposta le marguillier. Belette a perdu la tête à son tour, continua Miss Pekin, qui lança un coup de pied au chat de la maison. Il avait été très économe jusqu'alors, et ne donnait jamais un mauvais exemple en invitant les autres à boire. Ne le voilà-t-il pas qui tire un pistolet de sa poche et veut se battre avec un matamor, un soi-disant colonel, pour savoir qui paiera la première tournée en l'honneur de Jim Hoxton? Ensuite, il a parcouru les camps d'alentour, régalant tous ceux qui voulaient boire à la santé de Jim. « C'est ce que j'appelle une conversion remarquable, » dit le marguillier. « Le gaspillage que vous condamnez me semble avoir déjà produit un effet salutaire. » Miss Pekin regretta sans doute que le chat ne fût plus à sa portée, car il regarda autour d'elle d'un air irrité. « Mais ce n'est pas tout, » reprit-elle au bout d'un instant, d'un ton mystérieux qui annonçait qu'elle tenait en réserve une communication plus importante. « Qu'y a-t-il encore ?» demanda Madame Crankett. « Jim est revenu. »« Tant mieux, j'en suis ravi. »« Puisse le Seigneur le combler des biens de la terre, » ajouta le marguillier. « Soyez satisfait, » répliqua Miss Pekin, dont le visage jaune s'allongea. « Il n'a plus de bonheur qu'il n'en mérite, à ce que mon cousin m'a raconté. Lorsque les mineurs ont su comment les choses s'étaient passées, ils se sont mis à entasser de la poudre d'or dans un chapeau, et Jim a déjà reçu plus d'argent qu'il n'en a déboursé pour délivrer Brown. Des tas d'individus qu'il ne connaît pas lui ont envoyé de l'or des camps voisins. Bref, on ne trouverait pas aujourd'hui à Crankett un homme plus riche que lui. « Bravo !» dit le marguillier qui se frotta les mains. « Ce sont de braves gens que les mineurs. Ce sont des impies qui ne donneraient pas un denier pour bâtir une église ou pour propager la foi, » riposta Miss Pekin. Par exemple, Madame Crankett ne sera pas aussi enchantée en apprenant le reste. Jim Hoxton ne fera plus attention à vos nièces comme auparavant. Il va se marier. On assure même que c'est Millie qui l'a envoyé chercher. Il n'y a guère plus de 6 mois que l'autre est mort. J'en rougis pour elle. Elle agit en femme de cœur, s'écria Madame Crankett, qui retira ses lunettes. Je crois que j'en aurais fait autant à sa place. Le marguillier ouvrit les bras et serra sa vieille compagne dans une étreinte enthousiaste. Cette démonstration affectueuse parut de la plus haute inconvenance à Miss Pekin, qui rougit pour son propre compte et s'éloigna en levant vers le ciel un nez indigné. Ainsi s'achève La vengeance de Jim Hoxton de John Haverton.